Chapitre 8. La droiture. Allah Ta'ala dit: demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Sourate 11, verset 112. Ceux qui disent: notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand clément, d'un très miséricordieux. Sourate 41, verset 30-32. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate 46, verset 13-14. 85. Abu Amr, ou selon une autre version, Abu Amra, Sufyan ibn Abdillah, radiallahu anhu, rapporte avoir dit: « Ô messager d'Allah, informe-moi d'une chose sur l'islam sur laquelle je n'interrogerai personne d'autre après toi. » Il, alayhi salatu wassalam, dit: « Dis, je crois en Allah, ensuite tiens-toi sur le chemin droit. » Muslim. 86. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: faites le bien, ou approchez-vous-en du mieux possible, et sachez que personne ne sera sauvé uniquement par ses bonnes actions. On demanda: pas même toi, ô messager d'Allah? Il, alayhi salatu wassalam, répondit: pas même moi, à moins qu'Allah ne me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Muslim.